France Inter, franceinter.com. Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Ha ha, nous revoilà. C'est donc la panique en direct du Mangin Palace, épisode 96. Bienvenue à toi dans ce monde archi-oufoque et total foutraque où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores orchestrée par une bande de doudingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin le dimanche 25 novembre 2007, 11h05. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es paddock dans ta piole ou baldaquin dans ta suite. Tu es sieste crapuleuse, tu es bataille de polochon et bouillotte sous l'édredon. Tu es comme on fait son lit, on se couche. Tu es grasse matinée dominicale et tu es aussi... Qu'est-ce qu'il y a dans la chambre 237 ? Il n'y a rien du tout dans la chambre 237. Et tu n'as absolument rien à y faire de toute façon. Alors, défense d'entrée. Oui, tu l'auras compris, l'ami. Ce matin, tu es dans de beaux draps. Tu es chambre à coucher. Alors, sais-tu que ce soir, président Sarkozy dort à Pékin, dans un palace au cœur de la capitale chinoise. Une garçonnière à sa mesure, figure-toi, puisque sa chambre avoisine les 800 mètres carrés. Je n'ai pas dit 80, mais bien 800 mètres carrés, avec un lit de 3 mètres sur 3, dis donc, pourrait bien se paumer là-dedans. Intrigué par cette piole de nabab, la panique au Mangin Palace a donc décidé ce matin, durant 53 minutes, de s'intéresser à ce lieu dans lequel tu passes plus d'un tiers de ta vie, ta chambre à coucher, bien sûr. Et pour commencer d'ailleurs, du lit clos breton au dortoir de la pension, nous tenterons de retracer ensemble ce que fut ta chambre à travers les âges. Ensuite, durant quelques minutes, nous te prouverons que cette pièce d'habitude réservée au sommeil t'offre en réalité l'occasion d'une kyrielle d'activités diverses et variées. Et dans la foulée, justement, nous constaterons que la penderie de ta chambre peut devenir un endroit authentiquement menaçant. Et puis, nous nous sommes intéressés à la cérémonie élyséenne du lever et du coucher présidentiel orchestrée par le grand chambellan, Claude Guéant. Et enfin, nous nous rendrons à Grosboule-les-Bains, chez Monique et Jean-Claude, où leurs mômes adolescents désirent plus que jamais faire de leur piole un univers intime et protégé, où les parents subissent désormais le fameux défense d'entrée. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique en direct du Mangin Palace. Alors bien sûr, monte le son et prends ton pied au pieu. Une bouffée de L.A. Woman, un classieux classique des Doors, millésime 1971. L.A. Woman, c'est aussi ce que se demande M. Sarkozy dans sa piole pékinoise de 800 mètres carrés. Eh ben, c'est simple, hein, elle a claqué The Doors. Alors ce matin, dans une France où il faut se lever tôt, la panique au Mangin Palace a donc l'idée incongrue de consacrer une émission à ta chambre à coucher. Et pour commencer notre voyage au cœur des alcôves, il est nécessaire de survoler durant quelques minutes les évolutions profondes qu'a connues cette pièce d'habitation destinée principalement au sommeil. L'être humain n'est jamais aussi vulnérable que durant la période quotidienne et indispensable du sommeil réparateur. Ainsi, s'isoler pour dormir fut dès l'origine une nécessité pour l'homme, à l'abri dans une grotte ou planqué sous quelques branchages. Et rien de tel pour le confort qu'un tas de feuilles en guise de matelas et qu'un corps humain comme bouillotte naturelle. Au Moyen-Âge, c'est avec de la paille qu'on fabrique le matelas, la fameuse paillasse, dont la taille est facilement adaptable à ses hôtes. Le lit conjugal, nous l'avons dès le Moyen-Âge. Mais en fait, ce lit conjugal au Moyen-Âge est ouvert à tout le monde, si j'ose dire. Parce qu'au Moyen-Âge, on n'a pas beaucoup de meubles. Et parfois, le soir, si des invités se sont trop attardés, ils ne peuvent pas repartir dans la campagne, car les portes de la ville sont fermées. Il faut donc rester à la maison de l'hôte. Et des quantités de fabliaux sont basées sur ce thème. Un hôte, le soir, a été obligé de rester. On lui a ouvert le lit, tout naturellement, et comme au Moyen-Âge, on couche tout nu, vous savez. Alors, il arrive qu'il se passe des choses dans cette nuit. La nuit est chaude, elle est sauvage, la nuit est belle pour ses otages. La nuit est chaude dans la chambre au Moyen-Âge, surtout quand on y dort tout nu et à plusieurs. Belle époque. À partir de la Renaissance, c'est dans un souci de distinction sociale qu'il faut comprendre l'apparition du lit comme un meuble autonome et de la chambre comme une pièce spécialisée. Dans les châteaux de l'aristocratie dominante, la mise en place des appartements d'apparat pousse même les époux à faire chambre à part. Mais attention, pour l'immense majorité de la population, le régime reste le même. C'est tout le monde dans la pièce commune avec l'étable pas loin pour fournir de la chaleur. Cependant, les paysans fortunés aménagent un espace réservé au sommeil, comme par exemple en Bretagne avec le fameux lit clos. Mais pour les moins chanceux, et aujourd'hui encore, c'est toujours la même paillasse. Avec son vieux matelas râpé et son sommier un peu usé, il n'a jamais fait des envieux, mon vieux. Moi j'y dormais toutes les nuits, c'était banal mais c'est ainsi que je me retrouvais au milieu, mon vieux. L'été, on lui faisait prendre l'air, tu sais, à cause de la poussière. Il y en avait plein, la literie. Et ouais, tant pis. Et ouais, tant pis. Le principal, c'est de rester libre dans son pieu. Pourtant, dès la fin du XVIIIe siècle et surtout au XIXe, avec le développement des principes hygiénistes, la vie la nuit est profondément transformée. Apparaissent alors les vêtements de nuit, tels la chemise ou le bonnet, dans des chambres individuelles qu'il faut aérer et purifier. Et quand la chambre n'est pas particulière, comme au régiment ou à l'internat du lycée, la règle est de surveiller et punir. Monsieur le surveillant des classes secondaires, passez ses nuits à espionner. Pauvre de moi, du couloir des secondes au dortoir des premières, comment les jeunes étaient couchés, bien sur le dos, les bras croisés, sur la couverture de laine, des fois qu'on aurait des idées, pauvre taré, pauvre chimère. Pauvre chimère d'une chambre aseptisée et individuelle. Pour beaucoup de nos parents et grands-parents, la réalité est tout autre. On se souvient encore des chambres à plusieurs, de la brique chauffée au feu de cheminée et glissée sous le drap brodé avant de se coucher. Mais on se souvient également de ces petits visiteurs de la nuit. Qu'est-ce que vous faites ? Je tue vos punaises, vous ne vous plaindrez plus. Avec une lampe à souder ? Faut ce qu'il faut. Avec ou sans punaises, cette chambre me sort par les yeux. Laissez mon lit, je le ferai moi-même s'il y a lieu. D'ailleurs, c'est inutile, je vais le quitter. La vie qu'elle parle contaminée. Le lit contaminé par les punaises, ce fut un grand classique de la chambre à coucher. Parce qu'aujourd'hui, la chambre a bien changé. Elle est devenue une pièce très spécifique dont l'utilité reste limitée. Un espace de la maison que l'on quitte le matin et dans lequel on ne retourne qu'à la nuit tombée. Très tard pour les fêtards et beaucoup plus tôt pour d'autres. Ça dépend des habitudes. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le temps de me dire « je m'endors ». Et une demi-heure après, la pensée qu'il était temps de chercher le sommeil m'éveillait. Je voulais poser le volume que je croyais avoir encore dans les mains et souffler ma lumière. Je n'avais pas cessé en dormant de faire des réflexions sur ce que je venais de lire. Mais ces réflexions avaient pris un tour un peu particulier. Il me semblait que j'étais moi-même ce dont parlait l'ouvrage. Une église, un quatuor, la rivalité de François Ier et de Charles Quint. Cette croyance survivait pendant quelques secondes à mon réveil. Elle ne choquait pas ma raison, mais pesait comme des écailles sur mes yeux. Ça, un Proust au lit, ce n'est pas très élégant pour celui ou celle qui partage son plumard. Alors, de la paillasse dans la pièce commune au baldaquin de la chambre d'apparat, c'est surtout le confort qui change, car l'idée reste la même. La chambre, c'est l'espace clos où tu dors, enfin, où tu dors, mais aussi où tu t'habilles, où tu bouquines et où tu inventes des jeux érotiques sous couvert de fines métaphores. J'ai avancé mon fou pour te prendre ma reine. Attendre me rend fou, je vais tenter le coup. J'ai avancé mon fou et je ne veux pas perdre, à part toi tout le reste je m'en fous. J'ai avancé mon fou pour t'arrêter net, te stopper ma reine dans ta jolie retraite. J'attends ton prochain coup de fil et de tonnerre, je sais c'est encore flou, l'amour c'est pas très net. Les échecs, ah, chérie, chérie, ça me connaît, ah, les échecs, ah, c'est mon jeu préféré, préféré. Les échecs, une partition de 64 cases jouée par Camille Bazbaz. Une partie d'échecs, c'est aussi ce que vit désormais président Chirac depuis sa mise en examen. Une partie stratégique dont l'enjeu est crucial puisqu'il pourrait bien se faire damer le pieu, contraint d'échanger sa piole cosy contre une austère cellule. Alors, l'horloge de la conciergerie du Mangin Palace nous indique qu'il est désormais 11h18 et après avoir survolé l'histoire de ta chambre à travers les âges, il est temps maintenant de te prouver qu'aujourd'hui, ta piole est en réalité une pièce étrange où peuvent se pratiquer de mystérieuses activités. En 1943, fut publié pour la première fois à Stockholm la célèbre nouvelle de Stefan Zweig, le joueur d'échecs. L'histoire met en scène notamment Monsieur B, un notaire autrichien qui fut emprisonné par la Gestapo dans une piole lugubre, sans contact avec l'extérieur et dont les fenêtres furent condamnées. Un jour, alors qu'il attendait son interrogatoire dans un couloir, il aperçut dans la poche d'une veste un livre sur la stratégie des échecs. Monsieur B le déroba et de retour dans sa chambre, il décida d'apprendre par cœur, sur un échiquier imaginaire, les tactiques de ce jeu redoutable afin de pouvoir ensuite contrer les pièges tendus par les questions nazies. Seulement voilà, après plusieurs semaines d'isolement dans sa piaule, Monsieur B devint littéralement obsédé par son jeu d'échecs imaginaire, à tel point qu'il sombra dans de violents délires schizophréniques. Conclusion, il faut être très prudent dans sa piaule, car à force d'élaborer toutes sortes de stratégies, les yeux au plafond, on finit par devenir fou et résultat, on fout le bordel dans sa propre chambre. Mes chers compatriotes, oh là là. Après consultation du Premier ministre, du président du Sénat, du président de l'Assemblée nationale, oh ma mère, aïe aïe aïe aïe aïe, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Aïe aïe aïe, oh là là là là. Eh oui, lorsque tu décides de mettre un peu d'ordre dans ta chambre des députés, il faut s'assurer qu'après la dissolution, tu puisses retrouver tes affaires bien rangées, enfin, même mieux rangées. Sinon, après, tu dois faire comme président Chirac en 97. Tu dois partager ta piaule avec la gauche qui s'y sent très bien, figure-toi. Comme il fait bon dans ton lit, comme la plume y est légère, j'y entrerai bien tout entière. Si tu ne menais pas ce bruit que de sermons en pleine nuit, as-tu si peur que je te touche? Ouvre ton lit, ferme ta bouche, maintenant c'est trop tard, j'y suis. Cela dit, même si tu ne partages pas ton lit, il arrive parfois durant la nuit que certaines personnes viennent squatter ta chambre, dis donc. Toi, tu roupilles, protégé par Morphée et plongé dans tes rêves, quand tout à coup... Hé hey oh, réveille-toi. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour. Bonjour. Je suis Peter Pan. Ah bon? Alors, tu veux venir avec moi au pays imaginaire? Au pays imaginaire? Oui, si tu veux, je t'y emmène. Et en volant en plus. Mais... et mes parents? Pas de problème, ils viennent aussi. Tout le monde vient au pays imaginaire. Ah bon? Parce que normalement, le pays imaginaire, c'est que pour les enfants. Ben là, c'est pour tout le monde. Allez hop, au Mali. Ah, le Mali? C'est ça le pays imaginaire? Oui, y a rien là-bas. Faut tout imaginer. Faut que tu imagines que tu vas pouvoir manger, imaginer que tu vas trouver du boulot et dormir dans une vraie maison avec un vrai lit. Bref, t'as intérêt à avoir d'imagination, hein? Peter Pan 3. C'est marrant. Je crois pas avoir vu le capitaine Crochet. Ah ben, vous le verrez pas. Je l'ai foutu dans un charter. Il était mexicain. Eh oui, là encore, il faut être prudent. Méfie-toi des fâcheux dans ta piaule. Ta chambre est un espace intime qu'il faut savoir protéger des intrusions intempestives. Encore que, en réalité, ça dépend. Être plusieurs dans ton lit la nuit, c'est parfois sublime et photogénique. Sophie Kahl, photographe. J'ai demandé à des gens de m'accorder quelques heures de leur sommeil, de venir dormir dans mon lit, de s'y laisser photographier, regarder, de répondre à quelques questions. J'ai proposé à chacun un séjour de 8 heures, celui d'un sommeil normal. L'occupation du lit a commencé le dimanche 1er avril à 17 heures et s'est terminée le lundi 9 avril à 10 heures. 28 dormeurs se sont succédés, certains se sont croisés. Il ne s'agissait pas de savoir, d'enquêter, mais d'établir un contact neutre et distant. Je prenais des photographies toutes les heures, je regardais dormir mes hôtes. Alors là, je sens bien que quelques-uns d'entre vous sont déçus, notamment les couples qui sont toujours sous la couette ce matin au moment où je vous parle. Car ceux-là se sont dit, plutôt les mecs d'ailleurs, « Allez, cette semaine-là, le thème c'est la chambre, ils viennent dire à l'instant plusieurs dans ton lit, sublime et photogénique, tout ça, donc a priori il va nous lancer un petit extrait de film porno maintenant. Mais ça va pas, non. Que vaut une vulgaire production pornographique slovaque au regard de l'esthétisme et de l'élégance de Sophie Kahl? C'est un choix éditorial, car figure-toi, mon ami, que la chambre, c'est aussi l'espace de toutes les élégances, y compris vestimentaires. Inter, actualité. Et pour terminer ce journal d'interactualité, une enquête. Une enquête sur un problème qui divise la France, le problème du pyjama. Soyons sérieux, chemise de nuit, pyjama, pyjama avec pantalon ou la veste seule. Il semble bien que tout cela soit une question de génération. Claude Guérini a fait ici même à Paris un sondage rapide au printemps, au grand magasin du printemps. Monsieur, il se vend en France annuellement 4 500 000 pyjamas, ce qui représente un pyjama pour 3 hommes. Les 2 habitants restants, ça m'inquiète un petit peu. Qu'est-ce qu'ils portent à votre avis? C'est-à-dire que où le... Il y a des gens qui ne portent pas de pyjama du tout. Oui. Jetons un voile pudique alors sur cela. Là-dessus. Ou, comme ça arrive fréquemment, n'est-ce pas, les gens ne portent que la veste de pyjama. Que la veste de pyjama? Eh bien là encore, mon ami, jetons un voile pudique là-dessus et ne portons point de jugement. Car dans sa chambre, chacun couche comme bon lui semble. Si nous passions à table... Je t'en prie, laisse-moi finir. Faites comme il vous plaira. Merci, Hélène. Voilà, comme ça, tout le monde est content. Alors maintenant, toujours dans l'espoir de te prouver que ta piole peut être un endroit où se mêle parfois le bizarre et l'inattendu, nous allons constater dès à présent qu'il arrive que ta propre chambre puisse même devenir menaçante à ton égard. Écoutons cette mésaventure que nous conte le génial Pierre Desproges. On découvre cela juste après le jingle. Ça les amuse, ça les amuse. Oh, ce vertige matinal de la penderie béante sur l'alignement militaire des pelures incertaines aux senteurs naphtalines. Je hais les cintres. Le cintre agresse l'homme par pure cruauté. Quelquefois, plus particulièrement au temps froid, l'envie de porter un pantalon se fait irrésistible. L'homme prend alors son courage et la double porte du placard à deux mains. Il est seul, il est nu, il est grand. Comme un pompier face au feu, il est beau dans sa peur. Les portes du placard s'entrouvrent dans un souffle. Les cintres sont là, accrochés à leurs tringles, dans la pénombre hostile. On dirait un rang de vampires agrippé à la branche morte d'un chêne noir, dans l'attente silencieuse du poulain égaré, au tendre flanc duquel ils ventouseront leurs groins immondes pour aboucher son sang clair en lentes suctions gargouillées et glaireuses, jusqu'à ce que mort s'en suive. Cependant, l'attitude de l'homme n'est pas menaçante. Simplement, il veut son pantalon. Le gris avec les pinces devant et le petit revers. Avec une agilité surprenante pour un homme de sa corpulence, l'homme bondit en avant. Sa main gauche, vive comme l'éclair, repousse le cintre pendu à gauche du cintre rose, tandis que sa main droite s'abat impitoyablement sur ce dernier. La riposte du cintre est foudroyante. Au lieu d'accentuer sa pression sur la tringle, il s'en échappe brutalement, entraînant dans sa chute le pantalon, le gris avec les pinces devant et le petit revers, celui-là même que l'homme veut ce matin, parce que bon. L'homme, à présent, est à genoux dans le placard. Le nez dans les pantoufles, il sanglote, la moitié antérieure de son corps nu prisonnière du placard, l'autre offerte au regard de la femme de ménage espagnole. Quelques gouttes de sueur perlent à sa paupière. Il n'est qu'humilité, désespoir et dégoût. Quelques couilles de plomb pendent à son derrière. Il a soif, il a froid, il n'a plus de courroux. Donne-lui tout de même un slip, dit mon père. Darling, why don't you misfits are holding on to the cracks in our foundation, and I know that I should let go, but I can't. And every time we fight, I know it's not right. Every time that you're upset and I smile, I know I should forget, but I can't. You said I must eat so many lemons, 'cause I am so bitter. I said I'd rather be with your friends, mate, 'cause they are much fitter. Yes, it was childish and you got aggressive, and I must admit that I was a bit scared, but it gives me thrills to wind you up. My fingertips are holding onto the cracks in our foundation, and I know that I should let Foundations, c'est le dernier titre pop de la Britannique Kate Nash. Parce que, après avoir cherché pendant des mois le meilleur des matelas, et quand tu trouves enfin la literie de ton choix, tu as fini ta Kate et tu nages dans le bonheur. Alors maintenant, à 11h30, toujours en direct du Mangin Palace, il est grand temps d'aller visiter une chambre à coucher très particulière. Un de ces endroits secrets et cachés des caméras, à savoir l'alcôve présidentielle. En effet, lorsqu'il a emménagé à l'Élysée, Nicolas Sarkozy comptait dormir dans une sublime chambre d'apparat. Mais il fut consterné quand il découvrit le lit très banal dont se contentait président Chirac. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy, il a tout de suite commandé des travaux de boiserie et de tenture. Et puis, il a fait également changer ce lit minable. D'ailleurs, de voir les experts au travail, Monsieur Sarkozy, ça l'a rendu très jovial. Les matelassiers, voilà les matelas. Les matelas, matelassiers qui passent, ça va carder. Allez, matelassiers, gloire aux matelas. Aux matelas et aux matelassiers. Quel beau métier, car il touche toutes les couches de la société. Les matelassiers. Salut. Ah, salut. Ça va? Ça va. Et toi, le matelas? Oh. Ainsi, dimanche dernier, sur son beau matelas tout neuf, Nicolas Sarkozy s'apprêtait à entamer une nouvelle nuit élyséenne. Et avant d'éteindre la lumière, comme chaque soir en mitouflé dans sa couette, il a jeté un œil au soir 3, histoire de savourer quelque peu le reportage sur la manif des anti-grèves qui avait eu lieu quelques heures plus tôt à Paris. Cheminot en boulot ! Gréviste égoïste ! Mes enfants sont obligés de partir à 6 heures du matin. Vous croyez que c'est de la liberté ? Ils ne peuvent pas circuler ? Ils n'ont plus de train ? Nous sommes dans une dictature. Nous sommes dans une dictature des syndicats, des minoritaires. Nous sommes dans un pays fasciste de gauche. C'est une minorité, ils veulent refaire les élections dans la rue. Ils nous demandent tous d'aller voter et quand le vote ne leur est pas favorable, eh ben voilà, ils bloquent tout. Oh là, Nicolas Sarkozy s'est dit alors que ce discours s'inscrivait vraiment dans une autre époque et que certains n'ont pas bien lu la lettre de Guy Moquet, visiblement. Nicolas Sarkozy, un peu crispé par tout ce chambardement à cause des grèves, a demandé à son chambellan, M. Claude Guéant, un léger décontractant. Et c'est vers 23h30 que Claude Guéant lui a donc apporté une petite tisane de sa composition. Si c'est sacré syndicat, si c'est sacré syndicat, vous démolissez le foie, vous démolissez le foie. Si devant les grandes grèves, votre estomac se soulève, votre régime en est la cause, un petit changement s'impose. La bonne tisane du bourgeois vous guérira. Nicolas Sarkozy avale donc un bol de cette tisane et s'apprête à éteindre sa lampe de chevet pour faire de beaux rêves. Et là, vers minuit 10, ses yeux se ferment doucement et Claude Guéant vient souhaiter une bonne nuit au président. Enfin, Nounours. Bonsoir, Nicolas. Je sais, ça va pas arranger mes affaires de dire ça. 12 ans qu'on attend. Patron, nous allons nous amuser. Et la réforme des régimes spéciaux. Écoutez-moi bien, on l'ouvre pour entrer, on la ferme quand on sort. La chose est simple, soit vous diminuez les pensions de retraite, et elles sont déjà si petites, soit vous augmentez les cotisations, elles sont déjà si lourdes, soit vous posez la question de la durée de cotisation. Bravo Nicolas! Je suis fort hein, nounours. Chut! Il est tard, au lit, et vous dormez. Là, j'éteins la lumière... Bonne nuit. Bonne nuit, nounours. Bon, c'était pas dans le discours, mais c'était dans mon cœur. Et c'est donc le cœur léger dans sa chambre présidentielle, après avoir fait un gros béco à nounours et les yeux pleins de sable, que Nicolas Sarkozy s'endort enfin. Nicolas Sarkozy se trouve donc dans sa chambre au palais de l'Élysée, mais son sommeil est agité et au beau milieu de la nuit, Nicolas est réveillé par un horrible cauchemar. Il est à l'Assemblée nationale, mais tout nu, et ensuite il s'enfuit dans une jungle remplie de serpents, poursuivi par une centaine de cheminots, bon ça c'est normal, mais surtout par les Chiraciens, avec à leur tête Dominique de Villepin. Soudain, Nicolas Sarkozy se réveille en sursaut, tout en sueur et haletant. Il est 3h du matin. Nicolas Sarkozy a tout de suite fait venir le chambellan Claude Guéant pour lui raconter son terrible cauchemar. Chaque fois que je me réveille, je crois que je suis de retour dans la jungle. C'est tout juste si j'adressais la parole à ma femme, avant de répondre oui quand elle m'a demandé le divorce. Chaque minute passée dans cette chambre m'affaiblissait, alors que chaque minute qu'il passait accroupi dans la jungle renforçait les viettes. Chaque fois que je levais les yeux, les murs s'étaient encore rapprochés. Le chambellan Guéant est très inquiet des cauchemars que fait son président en pleine nuit. Surtout que Nicolas Sarkozy lui annonce qu'il va aller immédiatement chez Dominique de Villepin pour discuter avec lui de cet horrible cauchemar. Nicolas Sarkozy sonne alors la femme de chambre de service pour qu'elle lui apporte ses vêtements. Et en effet, elle est arrivée, la femme de chambre. Il s'agit bien entendu de Michel Alliomarie, à qui l'on a enfin confié un emploi utile. Sauf que là, à la grande surprise de Nicolas Sarkozy et de Claude Guéant, Mam est complètement dévêtue. Et Alliomarie leur explique que oui, merde, il est 4h du matin, qu'elle dormait et que... Pourquoi un pyjama ? Ben, Nicolas Sarkozy explique à sa femme de chambre que c'est la décence qui veut ça, quoi. Ulcéré, il la congédie immédiatement. Et puis, au cœur de la nuit, Nicolas Sarkozy quitte sa chambre et fonce fissa chez Dominique de Villepin, personnage majeur de son terrible cauchemar. Et c'est à 5h du matin... que M. Sarkozy fut introduit dans la chambre de Dominique de Villepin. Dominique de Villepin, très heureux d'être avec vous. Dites-moi un gros mensonge que je vois si je vous crois ou si je ne vous crois pas. Mais en gros, hein, paf, allez, je vous écoute. Il n'y a à aucun moment ni d'irrégularité ni de volonté de commettre une irrégularité. Est-ce que vous pensez vraiment ce que vous dites ? On colporte des choses fausses qui s'amplifient et qui donnent le sentiment de tous pourris. C'est le peuple, ça. C'est comme ça, le peuple. Vous êtes bien informé, dites-moi. Est-ce que vous pensez vraiment ce que vous dites ? Écoutez, je dors peu, et donc les insomnies sont matière à écriture, mais c'est pas nouveau. Vous inquiétez pas, ça c'est pour faire un gros dodo. Bah, écoutez, j'arrive d'Argentine, donc je relis Borges avec beaucoup de bonheur, et c'est un spécialiste de l'insomnie et du labyrinthe. Et tout à l'heure, là, dans le lit, quand vous vous réveillerez, il y aura Ah, une surprise. Christine Boutin, ministre du Logement et de la Ville. Dans ce lit, tout de suite. Ne bougez pas. Ne bougez pas. Ce sont les derniers mots de Nicolas Sarkozy lorsqu'il quitte soulagé Dominique de Villepin pour retrouver sa chambre élyséenne. Là-bas, l'attend de son chambellan Claude Guéant, ainsi que sa nouvelle femme de chambre, une jeune soubrette. Au passage, Claude Guéant s'étonne du changement dans la domesticité présidentielle. Alors là, je vois pas pourquoi tu m'as sorti toute cette théorie sur ta vieille bonne, au lieu de me dire tout simplement, elle trouvait une plus jeune, quoi. Oh non, non, non, non, hein ? Assez, hein ? Ça suffit ! J'ai sous-entendu les propos salaces, j'ai horreur de ça ! Surtout le matin ! Dis donc, elle est de très bonne famille, voilà. Et où l'as-tu trouvée ? C'est dans la rue, c'est bien ça. Non, je rentrais hier soir tranquillement chez moi, je rentrais, je disais... Et... Elle me dit, monsieur, c'est... Alors il y avait d'autres qui s'appelait un chapeau, qu'est-ce qu'elle veut dire ? Ah oui, il n'y a pas à dire, Nicolas Sarkozy, il parle à son chambellan comme à un pêcheur breton. La nuit était alors très avancée, et Nicolas s'est remis au lit, dans l'espoir de trouver le sommeil encore quelques minutes avant la sonnerie de son réveil matin. Figure-toi que Nicolas s'est bel et bien rendormi, dis donc, mais hélas, pour faire un nouveau cauchemar. Des arbres géants, couverts de fleurs de sang, rampent vers moi, je voudrais fuir, mais je ne peux pas. Je pousse un grand cri, je me réveille dans mon lit, mes mains tremblent, je n'y peux rien, j'ai peur de la nuit. Mais quand le matin, c'est le réveil extasié de Claude François, qui ensuite, pépère, se lève et te bouscule, mais toi, tu ne te réveilles pas, comme d'habitude. Alors, le radio-réveil du Mangin Palace nous annonce désormais qu'il est 11h43, il est donc grand temps maintenant de nous rendre à Grosboule-les-Bains, afin de retrouver nos deux compagnons de chambrée, Monique l'insomniaque et Jean-Claude le somnambule. Avant tout, figure-toi que vendredi dernier, l'université de Grosboule-les-Bains, où est inscrit Rémi, était toujours fermée sur décision du président afin d'éviter que les mômes ne puissent prendre possession des lieux dans le mouvement de contestation contre la réforme des universités que leur propose la ministre Valérie Pécresse. C'est ainsi qu'en milieu d'après-midi, vers 15h, Rémi est rentré à la maison accompagné de quelques amis. Ils se sont installés peinards dans sa piaule. Seulement voilà, Rémi, il a trop la honte devant ses potes. Chers amis, je vous présente ma chambrette. Sur les murs, il y a des fleurs, c'est pas beau. Il y a cette lampe qui me surveille d'un air bête. Table et chaise, lit, armoire et rideau. Oui, c'est vrai, cette piole est sans allure. D'ailleurs, les amis de Rémi n'ont cessé de le chambrer. La tapisserie est hideuse, totalement défraîchie, et les meubles ressemblent au décor d'un film polonais tourné sous l'ère soviétique. C'est pourquoi, le soir même au dîner, Rémi s'est plaint auprès de ses parents afin qu'ils investissent un peu de thunes dans la rénovation de la turne. Mais pour Jean-Claude et Monique, la réponse fut très claire. En effet, Monique et Jean-Claude ont des postes budgétaires très serrés en ce moment. D'autant que Monique a fait grève mardi, enfin bref. Comme pour une majorité de Français, il est hors de question d'investir dans le moindre poster pour la chambre du môme. Les temps sont durs. Mais bon, prise de remords après le dîner, Monique est tout de même allée trouver Rémi dans sa piole pour tenter de le réconforter un peu. Nom de Dieu, jamais tu frappes avant d'entrer. Tiens, je t'ai apporté des fruits. Tu as peut-être faim. Non, j'ai pas faim. Je voudrais juste bosser. Quand tu entres dans ma chambre sans frapper à la porte, c'est là que tu joues les vieilles emmerdeuses. S'il te plaît, tu te prends ces fruits. Mais je veux pas tes fruits, je veux que tu sortes de ma chambre. Mais attends, je t'ai découpé un kiwi. Tiens, regarde. Bats-toi de ma chambre, tu fous le camp d'ici. Oh, allez, va-t'en. Pas, bonjour laisse. Chez toi, retourne d'où tu viens. Tu vas faire ce que t'as à faire, hein. Ouais, c'est ça. Visiblement, Rémi est en pleine crise d'identité, ce qui n'est pas sans tracasser sa mère, bien sûr. Jean-Claude, beaucoup moins. De toute façon, lui, le soir, dès qu'il va se coucher... Sitôt que je suis dans mes draps, c'est la fin de tous mes tracas. Dès que je mets ma tête sur l'oreiller, je commence à rêver. Il m'arrive des trucs terribles, le soir dans mon lit. Je tire des lions comme à la cible, et je bouffe des grizzlies. Dans les journaux de la ville, j'ai ma photographie en grand format, et les femmes s'offrent à moi. J'escalade des montagnes, je bats des records. Je trafique de la cam du pôle sud au pôle nord. Oui, la nuit dans la chambre du Jean-Claude, c'est un peu celle de Jean Gabin dans Un singe en hiver. Le lendemain matin, comme tous les matins, Jean-Claude s'est levé le premier pour apporter à Monique son petit déjeuner au lit. C'est dans ces moments-là que Jean-Claude est persuadé qu'il est un parfait gentleman. Le problème, c'est que Monique, elle s'en contrefout de son café au lait au lit. Bois ton café, il va être froid. Bois ton café, il va être froid. Tous les matins, tu me le dis. Bois ton café, il va être froid. Mais au fond de mon petit lit de plume et toi, je me réveille doucement en me tirant nonchalamment. Monique se réveille nonchalamment puisque nous sommes samedi matin. Et Jean-Claude, ridicule, tente laborieusement quelques abdos sur la descente de lit. Quand tout à coup, dans la chambre d'à côté, celle de leur fille Elsa, ils constatent qu'apparemment la nuit n'a rien arrangé des humeurs de Rémi. Oh, qu'est-ce que tu fais là ? Quoi ? Oh, t'es pas en cours ? Je vais plus à l'école, c'est nul. Hein. De toute façon, j'ai rendez-vous avec mon cum. Alors. Je te préviens, tu sors pas comme ça. Hein. Tant que tu seras ma soeur, tu sors pas habillé comme une tepu là. Non mais ça va pas ou quoi ? Non mais attends, tu me lâches, ok ? T'es pas mon père ! Et tu changes de ton direct, sinon je te déchire ta race ! Immédiatement, Rémi attrape le portable de sa sœur et coupe l'appel téléphonique. Folle furieuse, Elsa lui balance qu'elle ne rêve que d'un truc, c'est qu'il se barre de la maison, ce con. Et ça, Rémi, il est bien d'accord. Ah, quand j'aurai ma chambre ! Et moi la mienne ? Elle sera propre ta chambre ! Elle est plus propre que la tienne ! Bien moi, je refuse de rester ici. Je refuse de vivre avec ce malotru ! Maman, elle m'a giflé ! Il m'a craché dessus ! C'est pas vrai ! Ose le dire à maman que c'est pas vrai, répète-le! C'est pas vrai! Je le rate, ta fille, je le Monique est épuisée par ses adolescents en crise et elle fait tout de même remarquer à Jean-Claude que là, faudrait peut-être intervenir auprès de Rémi. Il insulte toute la famille, il reste cloîtré dans sa piole toute la journée, ça suffit, merde! Jean-Claude se souvient alors que son oncle et sa tante à l'époque avaient eu des problèmes identiques avec leur fille, sa cousine Germaine donc. Et pour apaiser les tensions, Jean-Claude affirme qu'ils avaient trouvé la bonne solution. Elle habitait Germaine, une chambre de bonne, quelque part dans le cinquième, à côté de la Sorbonne. Les WC sur le palier, une fenêtre sur la cour, en haut d'un escalier qui avait jamais vu le jour. Et sur les murs sans joie de ce pauvre boui-boui, il y avait Che Guevara, les Pink Floyd et Johnny. Sur le vieil électrophone, trop souvent détraqué, elle écoutait les Stones et Maxime Le Forestier. Oui, mais là, non. Monique dit à Jean-Claude qu'il est hors de question de payer une piole d'étudiants à Rémy. Ils n'en ont pas les moyens. Attends, pour l'instant, leurs patrons ne leur ont pas encore permis de faire quelques heures supplémentaires détaxées. Les temps sont durs, bon sang. Du coup, en fin d'après-midi, Jean-Claude a plutôt tenté d'avoir une discussion sérieuse avec son fils. Déjà, il voulait savoir si Rémy s'ennuyait avec eux. Alors dis-moi, Rémy. Tu t'ennuies avec nous ? Quand on s'ennuie, ben moi je ne sais pas ce que c'est que l'ennui. L'ennui, j'en ai entendu parler, je sais qu'il y a des gens qui s'ennuient, mais moi, je ne sais pas ce que c'est que l'ennui. Il y a toujours quelque chose à faire, je ne sais pas. On peut découper les pages d'un livre, on peut faire des mots croisés, on peut prendre des notes. Il y a toujours quelque chose à faire. Moi, je voudrais que les journées aient 30 heures, tu vois, parce que je ne m'ennuie jamais. Tu comprends ? Et puis même mieux, j'ai hâte d'être vieux, tu vois, pour pouvoir me contenter de 5 heures de sommeil par nuit. Puis je sais même pas pourquoi se discute, d'ailleurs, je vous rappelle. Pendant que Rémy tente d'aménager sa chambre au mieux avec une énergie débordante, Jean-Claude l'observe et constate en effet que son môme a l'air très tendu, d'une sensibilité à fleur de peau, un peu comme un trop-plein. C'est alors que Jean-Claude décide d'avouer à son fils qu'en son temps, lui aussi, sa piole d'ado, elle était naze. Mais comment dire, Jean-Claude avait trouvé une astuce pour égayer sa chambre. J'aimerais qu'on parle de la masturbation. Je tiens à ce que tu saches que c'est une activité parfaitement normale. Tu vois ? Et d'ailleurs, je veux bien te dire que, tu vois, que je me suis pas mal masturbé moi-même à ton âge. J'appelais ça se caresser le salami. Oh. Oui, ou alors flatter Popol. Je n'ai jamais utilisé de pâtisserie. Mais en revanche, ton oncle Marty, je me souviens qu'il s'astiquait le manche 5 à 6 fois par jour. En quelque sorte, c'est un entraînement avant le match. En quelque sorte. Tu vois ? Rémy est consterné d'avoir un daron aussi gland, hein. Franchement, immédiatement, bien sûr, Rémy le fout à la porte de sa piole. Et Jean-Claude se retrouve dans le salon un peu perdu, un peu penaud. Il n'y a plus personne dans la salle à manger. Voilà qu'on m'abandonne à peine. Je tourne la tête quand j'entends comme un cri dans la chambre à coucher. C'est l'appel de l'amour. J'enlève ma salopette. Sur le lit, elle est nue. Enfin, je l'imagine. Elle a chastement sur elle remonté la couette. Elle tend les bras vers moi, vers elle. Je tends ma mine, malement réjouie tout en remontant mes chaussettes. Jean-Claude remonte donc ses chaussettes et se précipite dans la chambre à coucher. Les problèmes de Rémy se résoudront de même. Hein. Seulement voilà, quand il entre dans sa piole, certes, Monique est au plumard, nue sous sa couette, mais Jean-Claude s'aperçoit que les cris venaient de cette foutue télé dont Monique trouve par ailleurs que c'est vraiment n'importe quoi. Hein. Dis-moi, cette télé, c'est vraiment n'importe quoi. Ah oh bah tu vois... J'ai bien aimé, moi. Oh, pas toi, bien sûr. Dès qu'il y a une femme nue quelque part. Oh, il fait chaud. Ah oui, il fait chaud, oui. Tiens, j'en fais autant. Mais tu te mets nue ? Oui. Ah. Ah ben moi aussi, toi. Bien fait. On s'en fait ça, là, bas. On est toujours à la télé, là, avec 45% de poil. Ah, Bourville et Maillan qui sautent, c'est terrible. Alors Marco, est-ce qu'on peut l'envoyer ou on reprend très bien. Alors donc c'était une reprise guignolesque que vous n'entendrez pas de Bourville et Jacqueline Maillan à l'aise sous la couette. C'était une authentique musique de chambre, mais bon, tant pis. Alors, nous voici donc arrivés au terme de notre exploration des alcôves, des premiers cris dans la chambre à coucher. Au dernier souffle dans la chambre funéraire, de l'abbé de Roum en Grande-Bretagne à l'abbé Breton dans son lit clos, et de Nounours à l'Élysée au pieu de Sophie Calle, nous t'avons offert un panorama complètement subjectif et totalement incomplet de ce que peut être ta piole. Pour finir, la chambre est souvent un miroir de ce que nous sommes. Et d'ailleurs, n'as-tu jamais ressenti cette impression curieuse lorsqu'une fois adulte, tu retrouves ta chambre d'adolescent lors d'une visite chez tes parents. Par exemple, dans la piole d'ado de François Bayrou, il y avait un énorme poster qui disait « Giscard à la barre ». Dans celle de Ségolène Royal, il y avait un manche-disque sur lequel était toujours posé un 33 tours de Mike Brandt. Dans la chambre d'Olivier Besancenot, il y avait sa collection de pins publicitaires avec sa perle rare à l'effigie de l'Amstrad CPC 6128. Et dans la turne de François Fillon, cet adolescent rebelle, comme nous l'apprend l'Express, il y avait un crucifix qui servait de décapsuleur et parfois même il s'en servait comme d'un micro devant la glace de son armoire. Les réactions sur certains visages de l'assistance se reflétaient surtout l'indignation. Quant aux autres visiblement obtus, sachant qu'ils n'avaient rien compris, ils me demandèrent de faire à nouveau le sermon du boogie woogie. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, reprenez avec moi tout ce cœur. Pas de boogie woogie avant de faire vos prières du soir. Maintenant l'amour est devenu péché mortel. Ne provoquez pas votre Père éternel. Donc pas de boogie woogie avant vos prières du soir. Elles sont parties. Dieu, je reste seul dans ta maison. J'en ai l'air, mais le dire à quoi bon? Si ton père m'a fait perdre l'affaire, j'irai tout droit en enfer. Mais j'essaierai encore à la messe de midi le sermon du boogie woogie. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, encore une fois, reprenez avec moi tout son cœur. Pas de boogie woogie avant vos prières du soir. Pas de boogie woogie avant de faire vos prières du soir. Maintenant l'amour est devenu péché mortel. Ne provoquez pas votre Père éternel. Non, pas de boogie woogie avant vos prières du soir. Ah, ne faites pas de boogie woogie avant vos prières du soir. Ne faites pas de boogie woogie avant de faire vos prières du soir. C'était Monsieur Eddy, très commode pour terminer cette émission sur ta chambre. Voilà, fin du 96e épisode. Tout le monde descend, faites gaffe de ne rien avoir oublié. C'était « C'est quoi ta chambre à coucher ?» revu et corrigé par la bande de furieux du Mangin Palace. On se retrouve dès la semaine prochaine à 11h et en direct sur France Inter pour une nouvelle aventure. Total Foutrac et archi loufoque, bien sûr. Panique au Mangin Palace est une émission coécrite. Les toits dans la prise avec le professeur Mauduit, un ami précieux que je remercie chaleureusement. Merci à toi, monsieur Xavier. Au platine, au montage et à la réalisation, il y avait bien sûr H2M, Henri-Marc Mutel. Merci beaucoup, Marco. Assisté aujourd'hui à la technique d'Éric Mainviel et de Dimitri Gronoff. Merci beaucoup à vous deux, c'était parfait comme d'habitude. Pour toute la documentation, les recherches sonores et aussi plein d'autres choses, on dit merci beaucoup à Flora Bernard. Merci, Flora. Merci aussi à Adèle Ponticelli, notre stagiaire. Pour les scuds et toutes ces trouvailles, on a l'inépuisable Thierry Dupin, qu'on remercie également vivement. Merci aussi beaucoup à Olivier Lefayère pour toutes ses idées complémentaires. Merci enfin à Jennifer Guillot, documentaliste de l'INA. Voilà, pour toutes les informations complémentaires, la panique au Mangin Palace possède un site internet sur franceinter.com où vous pourrez dans quelques minutes récupérer l'émission pour une balado-diffusion, autrement dit, le podcast. La journée continue sur France Inter. Après le flash, vous retrouvez Chris pour son crumble. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous. On se retrouve dès dimanche prochain à 11h et en direct sur France Inter. Mais en attendant, d'ici là, surtout, surtout, ne lâchez rien. Ciao. On fait pas une deuxième prise. Comment ? Ah, c'était en direct ? Ah, je savais pas que c'était en direct.